pas vraiment charmant, pas vraiment le prince. Non, non, c'est Guillermo Guiz, messieurs dames. Merci. Bonjour, bonjour les amis. Salut. Franchement, vous n'êtes pas charitable. C'est vrai, on n'est pas. Franchement, ça fait allez, quelques mois maintenant. Dépêche-toi. J'étais chez moi mardi soir, j'avais un peu faim. Mais là où cette histoire prend une tournure encore plus incroyable, c'est que je me dis, on est mardi soir, t'es relativement bien, t'es sale, ok, t'es sale, mais t'es bien, mais t'as pas envie de bouger. Alors tu te dis que la solution à ton problème tient en deux mots. Deliveroo. Okay. Tu te rends compte que c'était juste en un mot, mais t'es heureux quand même. Il fait 2 degrés dehors et tu sais que les mecs de Deliveroo sont précarisés, que leur protection sociale est bancale, alors tu te sens un peu coupable. En plus, tu sais qu'à force de les appeler, tu vas finir par avoir la mort d'un de ces gars sur la conscience. C'est comme c'est très parisien, on va peut-être expliquer que c'est une boîte qui permet de commander de la nourriture et qui viennent voilà, à vélo, puisque c'est écolo, livrer la nourriture à domicile. Absolument, mais tu sais qu'à force de les appeler, tu vas finir par avoir la mort d'un de ces gars sur la conscience. Obligé, ils sont pas à vélo, ils sont à scooter. Non, parfois certains sont à scooter. Mais c'est vrai que je crois que c'est ce qu'eux veulent faire. Ça existe à Lille, Deliveroo? Je ne connais pas Lille. Bon, vous êtes tout faux, Nagui. Il y a une ville en dehors du périphérique, vous êtes sûr? Je croyais que c'était très parisien, mais bon, si ça existe. Non. Elle est finie, cette chronique? Ouais, voilà. Merci pour tout, c'était toujours moi. Mais non, mais voilà, forcément, il y en a forcément un moment ou un autre, il y en a un qui va finir broyé entre un bus et un kangou, parce que t'as la flemme de pas aller chercher ta margarita à 700 mètres de chez toi, clairement. Et tu sais que le soir où ça arrivera, tu recevras un coup de téléphone de la centrale pour te dire désolé pour le retard, notre coursier a eu un petit problème lié à sa mortalité, mais on fait le max. Et que tu répondras oui, enfin, tardez pas trop quand même, sinon on peut se brosser pour 100,50€ de pourboire, ce fainéant. Tu le sais, ça. Mais bon, t'as vraiment pas envie de bouger. En plus, t'as pas une vie facile, chaque semaine t'es obligé de te fréquenter des gens comme Leïla Kadour, Boudadi. Boudadi, qu'est-ce que je viens de dire? Badadi. C'est vrai, t'as aussi droit à tes petits bonheurs quand même, alors tu dis fuck le coursier qui crève. Et puis voilà, mourir en faisant de l'exercice, c'est pas si mal. Regardez Félix Faure, le président. Big up à tous nos auditeurs en fin de parcours terrestre qui ont su apprécier toute la charge historique de cette vanne. Donc là, tu te dis, tu vas sur le site de Deliveroo et tu vois que ton resto grec préféré est ouvert et t'as bon quoi. Franchement, ils font des brochettes d'agneau de magazine beaucoup plus bonnes que la plus bonne de tes copines. Big up à tous nos auditeurs rappeurs de plus de 40 ans, la caution adolescente de cette émission. Bref, tu salives déjà en voyant ton plat sur l'écran. T'es comme DSK quand il est sur booking.com, t'anticipes quoi, t'as déjà la scène en tête. Seulement, en ce moment, t'as conscience du malheur animal, t'as vu des documentaires sur la souffrance des bêtes, alors tu te sens un peu coupable. Tu dis, je peux pas faire ça quand même, cet agneau. Et tu dis cet agneau alors qu'en soi, tu le connais pas plus que ça. Sur le menu, il y a juste écrit brochette d'agneau, pas brochette de cet agneau. Il n'y a pas un selfie de la bestiole avec marqué. Voilà. Il n'y a pas un selfie de la bête avec marqué ouais, je le vis bien, t'inquiète, bouffe-moi, t'inquiète. De toute façon, je me faisais chier en tant qu'agneau. Et puis, je suis le genre d'agneau qui crie ça va avec S, tu vois, donc honnêtement, je mérite de finir en sauce. Mais in fine, t'as quand même un cœur. Je sais, moi aussi, ça m'a choqué, mais t'as quand même un cœur. Tu dis, tu sais quoi, je vais plutôt aller chercher une margarita, et voilà, pendant 2 secondes au moins, t'as la conscience tranquille. Enfin, là, tu prends une douche parce que tu pues la négligence et le feu de forêt. Mais après 7 minutes de douche, tu réalises que tu surconsommes, tu penses à la planète et à tous ceux qui n'ont pas accès à l'eau chaude et qui n'ont pas accès à l'eau tout court, alors tu te sens un peu coupable. Et puis tu sais que tu vas croiser Daniel Morin 3 jours plus tard. Comment tu vas faire pour le regarder dans les yeux alors que toi, t'as eu la chance de prendre une douche? C'est vrai, t'abrèges, tu prends ta voiture pour aller chercher ta pizza, mais tu roules au diesel et t'entends à la radio que si la circulation est alternée à Paris, c'est parce que les particules fines tuent des dizaines de millions de personnes chaque année. En général, ça tue les gens qui ont capté la vanne sur Félix Faure d'ailleurs. Mais bon, c'est pas parce que tu génocides vieux que tu génocides moral, clairement. Alors tu te sens un peu coupable aussi tout d'un coup et tu réalises que globalement, au quotidien, t'es plutôt quelqu'un de nuisible en fait et que ton plaisir il est quand même souvent lié à la souffrance des autres. Hein, ce qui n'aurait pas d'impact si t'étais dans une cave en simili-cuir et qu'on t'appelait Monseigneur, hein, sans vouloir faire systématiquement référence à la W de Nagui. Mais là, ça t'emmerde. T'as envie de faire souffrir personne, mais c'est dur d'être irréprochable. En gros, t'es obligé de renoncer à tout ce que la société valorise depuis que t'es petit, et il y a une tension, quoi. Bah, du coup, j'ai mangé un vieux bout de Crisp Rolls tout pourri avec de la confiture d'abricot. Le premier qui m'emmerde avec ça, je vous le dis directement. Allez, bonne émission, les amis. Toi, tu as dû quand même te doucher.